Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le mouvement des hussards dans le Paris littéraire d'après-guerre. Une ligne droite littéraire qui s'est plutôt affirmée par la résistance à certaines idéologies qui étouffaient le roman de la libération, par exemple à cette notion d'engagement que Sartre avait répandue et que les marxistes avaient répandue également, et qui faisait de la littérature, qui mettait la littérature au service de l'idéologie. Pour moi, la littérature est une chose qui suffit en soi et qui n'a à être au service de personne. L'écrivain français Jacques Laurent, l'émission Format 30 en décembre 1971, peu de temps après qu'il ait reçu le prix Goncourt pour son roman Les Bêtises. Jacques Laurent a fait partie de ce courant littéraire des hussards dans les années d'après-guerre. Il sera parmi ceux, avec quelques autres, Antoine Blondin, Michel Déon, Roger Nimier, qui contesteront, comme il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le dogme que fera Sartre de la nécessité pour l'écrivain de s'adonner à une littérature engagée. Est-ce que vous vous êtes enrôlé chez les hussards ou vous avez été enrôlé par la presse chez les hussards? Il n'y a jamais eu d'enrôlement. Oui. Ce n'était pas un régiment. Au contraire, c'était l'anarchie, la pagaille, tout ça, l'amitié, les bonnes soirées, les jolies filles, tout. C'était quelque chose qu'on partageait autant que la littérature, les livres et puis les combats d'arrière-garde ou d'avant-garde. De tous ces hussards, Nimier, Blondin et quelques autres, Félicien Marceau, lesquels vous ont le plus marqué? Desquels étiez-vous le plus proche? Moi, je pense que j'ai été très, très proche de Blondin. Et même à un moment de grande dèche, il m'a hébergé dans son appartement de Ségur. On a passé des années, quelquefois très, très difficiles financièrement, en voulant garder notre indépendance. Et votre dignité. Voilà. Bon, on a gardé notre indépendance. Et je dois dire que Blondin était fantastique compagnon dans ces années-là, vraiment à la fois la gaieté, un peu trop de gaieté comme vous le savez, mais quand même c'était... La gaieté dans le verre. C'était un homme qui avait un cœur immense. L'écrivain Michel Déon, en entrevue à l'émission animée par Patrick Poivre d'Arvor, La traversée du miroir en janvier 2011, pour nous parler de ce courant littéraire des hussards et du contexte dans lequel va naître ce courant littéraire, je reçois l'historien Éric Dussault, ami de l'émission, spécialiste de ce Paris culturel de l'après-guerre. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Qui sont d'abord ces hussards? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces hussards-là, dans ce Paris littéraire de l'après-guerre, Éric? On va nommer leurs noms, tout d'abord. Oui. Antoine Blondin, Jacques Laurent, Roger Nimier et Michel Déon, ouais, qui au départ ne se connaissent pas, mais en raison des circonstances vont finalement se rencontrer. Ils vont avoir une vie dissolue, on l'a entendu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on retienne de cette émission que ce sont des jeunes brillants. Ouais. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ça se discute, mais ce sont des jeunes brillants, ouais, qui maîtrisent la plume, qui, un peu comme les hussards, je rappelle que c'est un régiment militaire, donc un peu comme avec une épée, utilisent les mots pour montrer à la France qu'il y a autre chose qui existe, qu'il n'y a pas simplement la gauche. Oui. Parce qu'à ce moment-là, la gauche est importante dans cette France de l'après-guerre et eux sont là pour jouer les mauvais garçons. Oui, pour s'attaquer. Mais ils le font intelligemment. Oui. C'est une pensée unique à laquelle ils s'attaquent. Puis après, on y reviendra. Sont-ils de droite? À quelle droite appartiennent-ils? Jacques Laurent revendique, on l'entendait, d'être d'une droite littéraire, pas d'une droite politique. Tout ça se discute, puis on va en parler un peu plus tard. Mais effectivement, tout de suite retenir qu'ils contestent cette hégémonie entouré, qui est incarné en fait par Sartre, par Jean-Paul Sartre, voilà, cet engagement pour la gauche, pour le communisme. Le nom, ben vous dites, les hussards, c'est un régiment d'abord, mais c'est plus que ça. D'où ça vient ce nom des hussards? Il y a un nom, il y a un roman, pardon, de Jacques Laurent qui fait référence aux hussards, mais les hussards, c'est le nom que le célèbre auteur Bernard Franck leur attribue dans un célèbre article de 1952-53 dans Les Temps modernes, qui est la revue pilotée par Sartre. Sartre. Et on va les traiter, les hussards, donc les quatre noms dont j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai évoqué, on va les traiter de fascistes, littéralement. Ouais. Alors, il y aura une contre-réaction par la suite, mais c'est à ce moment-là qu'on les traite de hussards. Alors, c'est Robert Franck qui a inventé ça, et après ça, ça va rentrer jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire. Ça leur colle à la peau. Alors, un petit peu de contexte, vous l'avez un peu évoqué, mais pour comprendre, au fond, ce qui fait que ce mouvement émerge tout à coup, la meilleure façon de le comprendre, c'est de parler du contexte social et politique de la France au moment de la libération, dans cet après-guerre. Dans quel état d'esprit est cette France, Éric Dussault? C'est un état d'esprit qui est complètement différent de celui qui a précédé. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, régime collaborationniste, est au pouvoir. C'est la droite qui est au pouvoir, avec un régime archaïque, il faut bien le dire, qui est nostalgique de la vie agricole, de la vie traditionnelle. Famille, une France patrie. Travail, famille, patrie, qui est contre aussi ce qui est arrivé à l'Église catholique. On sait qu'au début du 20e siècle, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on veut revenir à la France d'avant la Révolution, littéralement, d'une certaine façon. Et dans l'après-guerre, ben là, finalement, les anciens gagnants sont perdants. Et là, c'est la gauche qui est au pouvoir. Ouais. C'est la gauche qui règne en maître. Il y a des épurations à la fois dans la société en général, mais dans le monde littéraire. Sartre, par exemple, va faire partie du Comité national des écrivains qui se crée un peu comme un tribunal et tape sur les mains et même parfois plus sur ceux qui se sont compromis durant cette Seconde Guerre mondiale-là. Une gauche qui est au pouvoir, littéralement. Et la droite qui éonie, elle, au contraire. Elle a eu 4 belles années devant elle, et là, tout d'un coup, elle n'a plus le droit d'exister. Jusqu'au début des années 50, où là, les hussards arrivent à ce moment-là et reprennent la parole au nom d'une droite, même s'ils ne disent pas qu'ils sont de droite, quand même, c'est la droite qui revient à l'avant-plan. Et ça, c'est après 5 ans d'épuration, d'exécution sommaire, de règlement de compte entre collabos et résistants. Alors, c'est le résultat de ça. C'est important de comprendre ça. Les hussards n'auraient pas l'importance qu'ils ont eue dans l'histoire. Effectivement. Et ne feraient pas l'objet d'une émission de radio s'ils n'avaient pas eu le courage, de leur point de vue, de parler différemment des autres à ce moment-là. Et de s'attaquer à ce monstre sacré qu'est Sartre, avec tout ce que ça veut dire dans ce Paris de l'après-guerre. Parce qu'effectivement, ils sont peu nombreux, ils sont 4. Il y en a peut-être quelques autres qu'on pourrait greffer, mais il y a un noyau, celui dont on parle aujourd'hui, il y a un noyau de 4 voix principales dans ce mouvement des hussards. Mais le courage, dans ce contexte-là, effectivement, de dire « Sartre, on n'en peut plus ». Il faut savoir, il faut rappeler, dans ce Paris de l'après-guerre, Sartre, il règne en maître absolu. Il y a toute cette cour qui est autour de lui. Et Sartre, il est très, très sévère et très critique par rapport à ses écrivains, les hussards, et ceux qui déjà pointent un petit peu tout de suite après la guerre, ceux qui font de l'art pour l'art, comme va dire Sartre en 1946 dans un discours qu'il prononce à la Sorbonne, et dont voici un extrait. À ce moment, nous retrouvons des écrivains assez égarés. On appelait à la liberté, sans que ce soit pour changer, simplement pour qu'elle jouisse un moment d'elle-même. En présence d'une œuvre belle, ça s'appelle l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est simplement un appel stérile à la liberté. De là, la théorie de l'irresponsabilité de l'écrivain, c'est-à-dire un être qui est libre uniquement pour créer et non pas pour changer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps, plus qu'il ne pouvait, la position de l'art pour l'art. Alors, autant les hussards vont prendre Sartre pour principale cible, Éric Dussault, autant Sartre, on vient de l'entendre, exècre tout ce que ces écrivains qu'il dit égarés, hein, c'est son expression, tout ce que ces écrivains-là peuvent représenter. Parlez-nous un petit peu plus de ce que doit être, selon Sartre, selon Saint-Jean-Paul, l'écrivain après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que lui-même, durant la guerre, n'a pas été très engagé, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais justement, probablement en raison d'un sentiment de culpabilité, dans l'après-guerre, il tourne son capot de bord et dit là, c'est le rôle de l'écrivain d'être engagé, d'être dans le monde, de prendre des risques, de prendre la parole, un peu comme Zola l'a fait dans J'accuse, là, à la fin du 19e siècle. On n'écrit pas pour parole. Écrire, on n'écrit pas pour la beauté de l'écriture, on écrit pour convaincre, on écrit... C'est ça. Et c'est dogmatique, d'une certaine façon, c'est très clair. Ensuite, vous voyez le ton. Ouais. Sartre est un individu qui, dans la vie privée, pouvait faire la fête, d'accord, mais lorsqu'il joue son rôle d'écrivain, il est excessivement sérieux et cassant. Et on s'entend pour dire que la littérature sartrienne et toutes celles qui tournent autour est lourde à lire quand même. Ouais. Hein? Même les romans, c'est pas très jojo. Alors que les jeunes hussards, à l'opposé, ouais. disent « On n'en a rien à cirer de ce rôle que tu donnes, Jean-Paul Sartre, ouais. aux écrivains. Nous, on est des êtres joyeux. Pour nous, la littérature, c'est une fête. Ouais. » Et on se donne le droit de ne pas s'engager politiquement lorsqu'on fait de la littérature. Ouais. Puis l'engagement politique de Sartre aussi, puis on en a déjà parlé dans d'autres émissions, puis on en parlera encore dans de prochaines émissions, mais il faut remettre ça dans le contexte. Mais c'est aussi un engagement aveugle à l'époque. Il est omnibulé par, donc communiste, mais omnibulé par l'URSS, refusant de voir toutes les horreurs qui sont commises dans ce pays-là. Parenthèse, mais en fait, ça fait partie de la réflexion des hussards aussi, qui s'attaque au dogme de Sartre, avec tout ce que ça veut dire, la nécessité d'une littérature engagée, mais très probablement aussi cet aveuglement dont Sartre et sa cour font preuve. Vous avez dit un peu ce que les hussards portent comme vision. Pour aller un peu plus loin là-dessus, on écoute à propos de ce texte qui deviendra classique, Paul et Jean-Paul, qui sera publié dans la revue La Table Ronde en février 1951. On écoute Jacques Laurent, auteur donc de cet article Paul et Jean-Paul, expliquer à Bernard Pivot ce qu'il a voulu faire avec ce texte extrait d'une émission qui date de 1989. Vous étiez déjà l'auteur d'un texte célèbre, qui n'était pas paru d'ailleurs dans La Parisienne, qui s'intitule « Paul et Jean-Paul ». Vous en étiez pris à Paul Bourget, c'est-à-dire intellectuel engagé à droite, et Jean-Paul Sartre, intellectuel et romancier engagé à gauche. Et pour vous, ils étaient dans leur tort l'un et l'autre. Voilà, je les ai mis dans le même sac, ce qui évidemment déplaisait beaucoup à Sartre, qui ne voulait pas être confondu avec le bien-pensant Paul Bourget. Oui. C'était le plus mauvais tour que je pouvais lui jouer. Oui. Mais je me suis amusé, j'ai été étonné moi-même quand j'ai écrit ce texte, de voir à quel point, c'est un peu un canular au départ, de rechercher des ressemblances frappantes entre ces deux hommes, vivant à une telle distance dans le temps et surtout dans les idées. Et puis j'ai trouvé des ressemblances, jusqu'à trouver des phrases à peu près identiques dans l'un et dans l'autre, même dans un voyage en Amérique qu'ils ont fait l'un et l'autre. Alors voilà qui donne le ton de... Parce que c'était un pamphlet en même temps. C'était un pamphlet. Oui. Vous dites, s'il y avait un peu de Sartre dans ma bibliothèque, il n'y avait guère de Bourget. Il a fallu recourir à des amis. On a toujours des amis qui ont du Bourget et un service à Asperges qu'on leur emprunte à l'occasion. Voilà le ton de ce genre d'article que vous faisiez à l'époque et qui vous valait beaucoup d'ennemis, bien entendu. Oui, là, j'en ai pas manqué. Mais j'en étais très heureux. Ça me faisait bien circuler le sang. Oui, mais alors, au début de ce recueil d'articles, vous dites « Moi, je n'étais pas un écrivain de droite ». Mais je me souviens très bien que vous étiez considéré comme un écrivain de droite, tout simplement parce que, vous l'avez expliqué d'ailleurs, comme vous n'étiez pas marxiste, comme vous n'étiez pas sartrien, comme vous n'étiez pas un écrivain, un romancier engagé, donc vous n'étiez pas à gauche, donc vous étiez à droite. Voilà. Et dans la mesure où j'attaquais Sartre, c'était la preuve que, il n'y a pas de doute, j'étais même d'extrême droite. Beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Éric Dussault. D'abord, revenons sur ce texte, Paul et Jean-Paul. Quelle importance et quel impact il aura? C'est ce qui ouvre les hostilités là avec oui, la bande de Sartre. Parce que là, on est à l'inverse de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce texte est publié en premier, et c'est celui de 1952-53, dans l'État moderne, qui va traiter ces jeunes de fascistes, exact. Et qui réagit très vivement à Paul et Jean-Paul. Ouais. Donc, on voit que Jean-Paul Sartre, dès qu'il est attaqué, il les réplique et il sous-traite à Robert Frank, ce travail-là. Et ça, il va le faire tout le temps. Il l'a fait ça avec Camus aussi. Oui. C'est sa technique. À Sartre, ce qu'on entend aussi, ce qu'on vient d'entendre, nous amène à parler du ton des hussards. Comment le résumer, ce style, ce ton des hussards? Ben, il me semble que dans le clip qu'on vient d'entendre, tout est là. En fait, c'est l'usage du scandale, de la polémique, de la provocation, de l'exagération. Ouais. On est prêt à tout manipuler pour faire dire n'importe quoi, mais vif, on se prend pas au sérieux. Punché. Ça claque. Ouais. C'est ça qui est génial dans leur façon de faire, c'est qu'ils ont le sens de la phrase courte. Elle tape, elle cogne, elle fait mal. Et c'est pour ça que Sartre va réagir par le biais de Robert Franck si vivement, parce qu'on ne peut pas tolérer une telle insolence lorsqu'on est le pape de l'existentialisme. Insolence, effectivement. C'est vraiment insolent. Ouais. Et c'est courageux. Il faut le répéter, vous l'avez dit. Jean-Paul Sartre, c'est le pape. Il n'y a personne qui ose s'attaquer à lui. C'est Dieu, Éric. C'est plus Dieu. Que le pape. Même les Québécois vont le faire venir dans les années 70. Les syndicats québécois vont le faire venir ici en raison de son aura. Ouais. Ça dure longtemps dans le temps. Là. C'est 25 ans de rayonnement intellectuel. C'est le premier intellectuel médiatique télévisuel de l'histoire. Alors, s'attaquer à lui... Il fallait être culotté quand même. Dernier élément à relever dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais qui est très, très important. Jacques Laurent, puis je l'ai entendu dans d'autres entrevues en préparant cette émission, va toujours se défendre d'être politiquement à droite. Il va se revendiquer toujours, puis ça, on l'entendait au tout début de l'émission, d'appartenir à une droite littéraire. Sur ce plan-là, où se situent-ils les UR? Sont-ils à droite et de quelle droite parle-t-on? Jacques Laurent, il a travaillé sous Vichy, au ministère de l'Information, il a collaboré à divers périodiques pétainistes. Alors, on va arrêter là, quand même, il faut appeler un chat un chat. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ensuite de ça, ce sont quand même des admirateurs, ils ne s'en cachent pas, de certains écrivains qui sont franchement à droite. Là. Quand on parle de François Mauriac, quand on parle de Paul Morand, lorsqu'on parle de Jacques Chardonne, eh bien, ce sont des gens qui... sont à droite. Ouais. Ils s'inscrivent dans cette filiation-là, avec ces auteurs-là. Et d'ailleurs, ils leur redonnent une renaissance. Ouais. Parce qu'en rendant hommage à ces anciens, ben, ça fait finalement rayonner ces idées-là aussi. Ouais. Et eux sont contents aussi d'avoir une régénération en tant qu'écrivains, une renaissance en quelque sorte. Alors, ils sont ancrés à donc, droite, il n'y a pas de doute. Donc, c'est plus qu'une simple opposition à un homme, Sartre, et ce milieu et tout ce qu'il représente, c'est plus que ça. Là, il y a un vrai fondement idéologique qui touche à une pensée de droite. Tout à fait. Ouais. Et beaucoup d'entre eux sont à l'origine des bourgeois catholiques. Donc, il y a un fond aussi là, dans leur vie personnelle. Alors, c'est clair qu'ils sont à droite et la guerre d'Algérie va démontrer une fois de plus que c'est bel et bien le cas. Oui, parce qu'au fond, mais allons-y tout de suite là-dessus, on va faire un petit bond dans le temps, mais autant ils vont toujours contester cette volonté que l'artiste soit tout le temps engagé, autant dans le cas de la guerre d'Algérie, ils vont s'engager. Tout à fait. Et là, c'est contradictoire avec tout ce qu'on a dit. Pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Premièrement, ils sont pour l'Algérie française. Alors, ils sont réactionnaires de ce côté-là, puisqu'ils sont du côté de ce qu'on appelle les ultras, ceux qui veulent que l'Algérie demeure française coûte que coûte, à n'importe quel prix. Ouais. On sait qu'on connaît déjà l'existence de la torture à l'époque. On sait que la France s'y adonne. Et pourtant, on va défendre cette Algérie française et on va refuser la décolonisation de ce peuple-là. Ouais. Alors, on ne peut pas dire qu'on est à gauche après ça. Avec en filigrane, puis ça, c'est cohérent avec cette pensée de droite, ce dédain profond qu'ils ont pour tout ce qui touche au communisme et à l'URSS. L'URSS qui est avec le Front de libération nationale en Algérie. Ça fait partie de l'équation aussi pour eux. Tout à fait. On ne peut pas parler des hussards sans parler précisément de Roger Nimier, qui sera leur chef de file, Éric Dussault. On écoute un extrait de l'émission En toutes lettres, diffusée en mai 1970. 1948, début littéraire, Les Épées. Puis 1950, trois livres dans l'année, Perfide, Le Grand d'Espagne et Le Hussard Bleu. À 25 ans, Nimier est déjà jugé comme un authentique écrivain. Bernard de Fallois, directeur du livre de poche, a lu Les Épées à leur sortie en librairie. Originalité, d'abord par rapport à l'ambiance de l'époque et par rapport aux modes, aux courants des années 50. Les années 50 étaient celles où la littérature était surtout occupée par des essais, des romans extrêmement sérieux, pour ne pas dire des romans didactiques, en tout cas des romans dans lesquels l'importance du message l'emportait sur la fiction. Et Nimier était probablement le premier à renouer d'une façon assez éclatante avec une autre tradition, peut-être la grande tradition du roman français, dans lequel le seul but de l'auteur est de créer une histoire dans laquelle des personnages incarnent et vivent un certain nombre de façons différentes de se conduire dans l'existence. Donc l'originalité était peut-être d'une certaine manière le retour à la tradition. Ceci dit, je voudrais corriger ce que je viens de dire, car il y avait aussi un ton, ce qu'on peut peut-être appeler le style, mais qui, lui, était tout à fait nouveau. Alors, qui était Roger Nimier, Éric Dussault? Quelle importance il a eu comme auteur? En 1950, il a publié le Hussard bleu, donc ça explique en partie, on l'a dit tout à l'heure, le nom de ce groupe. Et il a été rédacteur en chef, inspirateur de pages littéraires dans de nombreux journaux, directeur littéraire pour Gallimard. Alors, c'est quand même pas rien. Ouais. C'est quelqu'un qui a une crédibilité quand même comme auteur. Et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup penser à James Dean, parce qu'en 1962, il va mourir dans un accident de voiture. Il aime la vitesse, les voitures, les femmes, l'alcool, notamment le whisky, la nuit. Donc, ça en fait une icône. Ouais. Un peu comme tous ces gens qui sont morts jeunes, il ne sera jamais égratigné par ce qu'il aurait pu devenir s'il était devenu âgé. Ouais. Alors, il est mort comme un hussard. En fait, on s'imagine qu'un hussard devait mourir de cette façon-là, ouais. Et c'est comme ça qu'il va mourir. Puis, il était leur chef de file au hussard, peut-être le plus critique aussi de Sartre et du Saint-Germain de Sartre. Parlez-nous un petit peu du portrait qu'il peut faire, Régine Imier, de ce Saint-Germain-des-Prés-là. Ah, c'est assez extraordinaire. Lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat, c'était, je le dis littéralement, jouissif de lire ça, parce que tout est tellement dans la même direction lorsqu'on parle de Jean-Paul Sartre. Mais là, on disait qu'il y avait une forte densité de légions d'honneur dans ce quartier-là, une des plus grandes au monde. Je parle de Saint-Germain-des-Prés. 10 comédiens, fœtus vieillis, vibrions anémiques, se retrouvent afin de remémorer des années perdues qu'ils entassent comme des mégots dans des boîtes de fer. Aïe. Écoutez, j'ai jamais lu un texte aussi critique sur Saint-Germain-des-Prés et les gens de Saint-Germain-des-Prés que Roger Nimier. Aïe. Quand on parlait de phrases qui frappent tout à l'heure, là, mais ça, c'est un bon exemple. Ouais. Quelqu'un qu'on doit respecter, ne serait-ce que pour ça, quand même. Ouais. Quand est-ce que ça se termine et dans quelles circonstances se terminent, disparaissent ces hussards de la place publique? Les hussards, en tant qu'hussards jeunes... ceux qu'on décrit depuis le début de l'émission. Le courant 1962, le voilà. Et l'insolence, 1962, pour la fin, ça coïncide avec la mort de M. Nimier. Mais par la suite, les hussards vont rester dans l'actualité, les trois qui restent. Et il y en a deux, Michel Déon et Jacques Laurent, qui vont être membres de l'Académie française. Quand même une institution pas très ancrée à gauche. Encore là, ça nous donne une idée de leur orientation idéologique. Et deuxièmement, des gens qui font partie de l'institution la plus consacrée qui existe. Ouais. Donc, pour les rebelles, on repassera, rendu dans les années 80, c'est autre chose. Ensuite de ça, on obtient le Goncourt en 1971. Je parle de Jacques Laurent pour son livre « Les bêtises ». Alors, le Goncourt, c'est la consécration aussi. Alors, finalement, ils sont récupérés par le système, d'une certaine façon. Et si ce n'était de la guerre d'Algérie un peu avant, finalement, ils seraient restés un peu dans l'anonymat jusqu'à temps qu'ils deviennent des écrivains comme d'autres qui fréquentent les cafés littéraires et qui sont reconnus par leur père grâce au prix qu'ils obtiennent et à l'entrée dans une institution comme l'Académie française. Au fond, c'est un peu cynique parce que ce coup d'éclat, ce grand brassage auquel ils s'attaquent contre Sartre et sa bande, ça n'a pas franchi le test du temps. Ce qui reste d'eux, au fond, c'est les écrivains, c'est leur écriture. Non, je suis quand même critique par rapport à ce que vous venez de dire. Ce n'est quand même pas rien de s'être attaqué à Sartre à cette époque-là. Et ils permettent de démontrer que à Saint-Germain-des-Prés, comme ailleurs dans l'après-guerre en France, on ne parlait pas tous d'une même voix. Il y a autre chose. Ouais. Alors, ne serait-ce que ça, c'est valable. Ensuite, il y a des livres qui ont été reconnus pour leur qualité. C'est donc dire que ce ne sont pas quand même des petits scribouillards de coin de table. Là, c'est des gens qui ont un réel talent. Alors ça, il faut quand même le rappeler aussi. Éric Dussault, historien, responsable de l'action culturelle et de l'éducation au Musée de Charlevoix. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Jacques. Merci. Merci également à Marie Caillet à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Labrec. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.